Le moujik et l'esprit des eaux. Conte. Un moujik laissa tomber sa hache dans la rivière et de chagrin se mit à pleurer. L'esprit des eaux, entendant ses pleurs, eut pitié de lui et lui apporta une hache en or et lui demanda « Cette hache est-elle à toi ?» Le moujik répondit « Non, elle n'est pas à moi. » L'esprit des eaux lui apporta une hache en argent. « Ce n'est pas ma hache, » dit de nouveau le moujik. Alors l'esprit des eaux lui rapporta sa propre hache et le moujik s'écria « Voilà la mienne !» Pour le récompenser de sa franchise, l'esprit des eaux lui fit présent des 3 haches. De retour à la maison, le moujik montra ce cadeau et conta son aventure à ses camarades. Un des moujiks eut l'idée de faire comme lui. Il alla au bord de l'eau, laissa tomber sa hache et se mit à pleurer. L'esprit des eaux lui présenta une hache en or et lui demanda « Est-ce là ta hache ?» Le moujik, tout heureux, s'écria « Oui, oui, c'est bien la mienne !» L'esprit des eaux ne lui donna ni la hache en or, ni la sienne, pour le punir de l'avoir trompée.